François Morel, c'est à vous. Bonjour. Personnellement, j'ai regretté que Trump succède à Obama. Je dis personnellement, mais c'est très exagéré. J'ai regretté, comme tout le monde à France Inter, à Radio France, même comme tout le monde parmi les gens que je fréquente. Je suis le type, et tous ceux qui détestent le service public vous le diront, je suis le type même du bobo moutonnier banal qui pense moyen. Je me permets cependant ce matin, exceptionnellement, et je m'en excuse par avance auprès de mes louangeurs habituels, je présente mes excuses également à mes contempteurs à qui ce matin je ne donnerai pas de grain à moudre, de faire un petit pas de côté afin, en cette semaine d'affaires Bismuth et de procès des écoutes, de prendre la défense de Nicolas Sarkozy. Ce qu'il ne faut pas faire pour attirer un peu l'attention de l'auditeur afin de continuer à participer à la matinale la plus écoutée de France et de permettre ainsi à France Inter de rester la première radio de France. Oui, je prendrai la défense de Nicolas Sarkozy que l'ancien président américain Barack Obama a présenté ainsi dans le premier tome de ses mémoires, avec sa peau mate, ses traits expressifs, vaguement méditerranéens. Son père était hongrois, son grand-père maternel juif grec et de petite taille, il mesurait à peu près 1m66, mais porter des talonnettes pour se grandir, on aurait dit un personnage sorti d'un tableau de Toulouse-Lautrec. Plus loin, il parle de sa poitrine bombée comme celle d'un coq nain. Je ne dis pas qu'il ne m'est pas arrivé moi-même de critiquer l'ancien président français, voire de l'attaquer de manière assez basse. Je ne dis pas, mais c'était lors de rencontres informelles et privées. Parce que, pardon, monsieur Obama, mais Sarkozy, il est à nous. Il arrive parfois que je critique injuste et cruel, mais seulement devant elle, et je ne supporterai pas d'entendre le quart de la moitié du commencement d'une critique prononcée à son sujet par quiconque d'autre que moi. Ça va, monsieur Obama, vous êtes grand, vous vous sentez beau, puissant, mais ça va, moi aussi je suis invité par François Bunel. Alors franchement, la description physique que vous faites de monsieur Sarkozy et qui pourrait se résumer par un nain basané, juif et monstrueux, oui monstrueux, revoyez les peintures de Toulouse-Lautrec, ne vous grandit pas, ce dont vous vous foutez sans doute, puisque vous mesurez déjà 1m85. Il met des talonnettes, Sarkozy. Et alors? Et si ça lui plaît? Et si ça lui fait plaisir? Et s'il se sent mieux avec, vu qu'en plus ça absorbe les vibrations au niveau de sa voûte plantaire? Sur la cour de récréation, on disait « Ah non, ah non, pas les affaires !» Dans le débat public, on devrait dire « Ah non, non, pas le physique !» Monsieur Obama, pardon, mais Sarko, nous on a le droit de le critiquer comme on veut, quand ça nous fait plaisir, mais vous, vous n'y touchez pas, Sarko, il est à nous.